Oui, tout à l'heure j'ai dit sur le hadith, sur ce qu'a chuchoté le prophète à Fatima radiallahu anha, avant sa mort, il lui a dit, je me suis trompé au lieu de dire tu es la dernière, la première personne à me rejoindre, et j'ai dit tu es la dernière. C'était la première personne qui a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, elle était morte 6 mois, elle est morte 6 mois plus tard. Donc on a presque terminé. On a terminé la sirah, c'est la du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith très important, c'est le hadith de Bukhari, 5666 et 7217. Hadith de Aïcha. On a parlé de la première partie de ce hadith, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de l'Baqi'a, du cimetière de l'Baqi'a, et qu'il avait mal à la tête. Quand il est rentré voir Aïcha, il la trouva elle aussi malade. Et il criait, oh ma tête, je souffre. Et puis le prophète sallam, il a dit, c'est moi plutôt qui dois dire, oh ma tête. Qu'as-tu à perdre si tu mourras avant moi et que c'est moi qui va s'occuper de te couvrir dans un, de te laver, de te couvrir dans un linceul et de t'enterrer. Et puis Aïcha radiallahu anha, il a dit, j'ai l'impression que quand tu vas m'enterrer, tu vas rentrer dans ma chambre et tu vas ramener une autre épouse. Et là, la suite de hadith, il y a une partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour la consoler davantage, il a dit, invite Abu Bakr et ton frère pour que je leur écrive un document, parce que j'ai peur qu'un ambitieux aspire la gloire, ou que quelqu'un dit, c'est moi qui en ai digne, ça peut être entre parenthèses, le khilaf, c'est moi qui en ai digne. Pour Allah et les croyants, il n'en sera pas ainsi, sauf s'il s'agit de Abu Bakr. Et c'est pour ça que Ibn Hazm, rahimahullah, il a dit que la khilafa d'Abu Bakr est textuelle, ça veut dire il y a un texte. Mais, il a contredit la majorité des savants là-dessus. Donc ce hadith-là, il vaut aussi. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari 3659 et 7220 et par l'imam Muslim, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu le voir pour lui poser des questions. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, reviens plus tard. Et il a dit, la femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si jamais je reviens et que je ne te retrouve pas, qu'est-ce que je vais faire? Le rapporteur du hadith, Jubair ibn Mut'am, il rapporte le hadith de son père, Mut'am ibn Adi. Il dit, mon père a dit que elle sous-entend la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le rapporteur du hadith, il est le plus connaisseur du hadith. Celui qui rapporte, il est plus connaisseur. Entre nous et eux, 14 siècles. 14 siècles, il faut purifier tous les 14 siècles des ambiguïtés, des innovations, de toutes les tâches pour puiser de la source pure. Donc, Jubair ibn Mut'am, il a dit, mon père a dit que cette femme, elle sous-entend la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si je reviens que je ne te retrouve pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, adresse-toi à Abu Bakr. Donc, tous ces textes, ils convergent vers un point. C'est que Abu Bakr est le plus prioritaire de la khilafa. Je crois que je vais m'arrêter ici. On a terminé la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Si je me suis trompé ou je m'en excuse, c'est par ma faute et par Satan. Et Allah est infaillible et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'abri de tout, de toute faute. Je me suis basé sur les versions authentiques, inshallah. Certaines étaient faibles, mais les savants, ils ont dit qu'on ne traite pas la sirah comme on traite les hadiths qui parlent des ahkam, des lois ou des aqidah. Donc, tu peux argumenter, tu peux sortir une version même s'il est faible dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres, ils sont c'est-à-dire, ils sont fermes qu'il ne faut pas prendre d'un hadith d'aïf. Hein? Et bon, j'ai pris de Bukhari, de Muslim, Sirat ibn Hisham, Sirat ibn Ishaq, ibn Kathir, le Bidaya ou le Nihaya, Dala'il Nubuwa, le Bayhaqi. J'ai pris Rahiq al-Makhtoum de Mubarak Fouri. J'ai pris certaines versions de Fiqh al-Sira de al-Ghazali. Parce que je veux vérifier l'authenticité, parce que c'est Cheikh al-Albani qui l'a corrigé. Et j'ai pris également des livres de Sunan, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. J'ai pris d'autres aussi, d'autres versions. Et je me suis basé sur les rapporteurs qui sont sûrs. Tabari également, mais Tabari, il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'il a rapporté 300 versions, 300 histoires de Abu Mikhnaf. Et Abu Mikhnaf, il est touché par le chiisme. Donc certains rapporteurs, même dans Sirat ibn Hisham, même dans le Bidaya ou le Nihaya, les rapporteurs de ces hadiths-là, il faut se méfier d'eux. Il faut se baser sur les savants. Ils disent telle personne, tu prends sa version, telle personne, tu ne prends pas. Par exemple, Ibn Hisham, dans Sirat ibn Hisham, il rapporte lui-même, il se base sur le Waqidi, il se base sur Abu Mikhnaf, il se base sur Hisham al-Kalbi. Tous ces rapporteurs-là, les savants, ils ont dit, méfiez-vous. Quand il s'agit de versions de telle personne, de telle personne, de telle personne, ils connaissent ce qu'on appelle Jarh wa Ta'dil. Ils connaissent la biographie de la personne, ils savent est-ce qu'il est touché par telle tendance ou telle tendance. Prenez de lui, ne prenez pas de lui. D'accord. Et, alhamdoulilah, bon, en gros, c'était des versions authentiques où, inchallah, qu'il en fasse profiter les jeunes et qu'il y aura quelqu'un qui est plus fort que moi parce que c'est parce que j'ai trouvé le terrain vide que je me suis avancé et je ne suis pas plus savant que vous. C'est juste une volonté de, comme a dit, c'est pas Oud'u ila sabili, je m'applique pas le verset, appelle les gens vers la voie d'Allah, avec, comme dans le hadith, dans le verset de la Sourate Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah, ala basira, nous basons sur une preuve évidente, wa subhanallah, gloire à Allah. Subhanallah wa ma ana min al-mushrikin, je ne fais pas point partie des associateurs, je ne m'applique pas ce hadith là, mais je m'applique ballighu anni wa law aya, hein, propager même un seul verset du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de inchallah il y aura quelqu'un qui est plus connaisseur, et excusez-moi si j'ai vu ma faiblesse dans la langue française et certains, il y a certaines choses où je m'exprime assez mal, mais pardonnez-moi si ces lacunes-là. Oh, subhanakallah, bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.